côté. Comme autant nous étions liés, comme autant l'on se respectait. Depuis, temps s'est écoulé lentement sur nos vies. Les amants se sont couchés dans nos lits. L'amitié tombait dans ce puits. Le temps